بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue, barakallahu fikoum, la lecture de ce chapitre concernant les règles du jeûne du mois de Ramadan, les règles du jeûne du moins, et on était arrivé à la parole de l'auteur, rahimahullah. وَلَا يَجُوزُ صِيَامُ يَوْمِ الْفِتْرِ وَلَا يَوْمِ النَّحْرِ. Et il n'est pas permis de jeûner le jour de la rupture du jeûne, donc le jour du Eid, après Ramadan, et ni le jour du sacrifice. Il n'est pas permis de jeûner durant ces deux jours. Et donc ça, c'est un sujet d'unanimité. Il n'est pas permis de jeûner durant ces deux jours. Il a été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que ce sont des jours durant lesquels les gens mangent, etc. Ce sont des jours de fête. وَلَا يَصُومُ الْيَوْمَيْنِ الَّذَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ. Et on ne jeûne pas non plus durant les deux jours qui sont après le jour du sacrifice. Pourquoi ? Parce que ces deux jours-là font partie des jours du Eid. Ayyam al-Tashriq. Et donc ces jours-là font partie du Eid aussi. Illa al-mutamatti' alladhi la yajidu hadiyan. Sauf celui donc qui a fait son pèlerinage en mutamatti' et qui n'a pas trouvé donc de bête à sacrifier. Alors là, celui-ci va jeûner. واليوم الرابع لا يصوم المتطوع ويصومه من نذر. Il nous dit le quatrième jour non plus, donc on a le premier jour, le jour du Eid, et après ça on a Ayyam al-Tashriq. On a le premier, le deuxième et le troisième jour. Le troisième jour de Ayyam al-Tashriq, c'est en réalité le quatrième jour. Si on fait rentrer les jours de Tashriq dans les jours du Eid, donc c'est le quatrième jour. C'est pour ça qu'il nous dit l'auteur ici le quatrième jour. Donc le quatrième jour qui est le troisième après le jour du Eid. Il nous dit donc même ce jour-là, on ne le jeûne pas, sauf pour celui qui a fait un vœu. Une personne qui a fait le vœu de jeûner ce jour-là, alors lui, il peut le jeûner. Et l'avis le plus juste, c'est que non. Puisqu'il y a une interdiction de jeûner durant les jours du Eid. Et donc, à partir du moment où il y a une interdiction de jeûner, tu ne peux pas jeûner un jour où il t'est interdit, même si tu as fait le vœu. Même si tu as fait le vœu de le faire. Et il dit « أَوْمَنْ كَانَ فِي سِيَامٍ مُتَتَابِعٍ قَبْلَ ذَلِكَ » Ou alors une personne qui avait l'habitude de faire, de jeûner, une personne qui avait une habitude de jeûner, alors qu'elle jeûne. Comme on a déjà vu précédemment, la personne qui a l'habitude de jeûner le lundi, le mardi, le lundi et le jeudi, excusez-moi, etc., etc. Voilà ce qui est voulu ici. Voilà ce qui est voulu ici. Et donc, ici, Al-Maliki, ils nous disent que la personne qui a cette habitude-là, elle peut, donc, le quatrième jour du Eid, elle peut le faire. Elle peut le faire. Et d'autres savants nous disent non. On est encore dans les jours de fête, donc non, on ne jeûne pas durant ces jours de fête. Ensuite, il nous dit, l'auteur, rahimahullah, وَمَنْ أَفْتَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَان. Et donc, celui qui a... Donc, وَمَنْ أَفْتَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَان نَاسِيًا فَعْلِهِ الْقَضَاءُ فَقَطْ. Celui qui a rompu son jeûne durant la journée de Ramadan, alors il par oubli, alors il doit seulement rattraper son jour de jeûne. Alors il doit seulement rattraper son jour de jeûne. Quelqu'un qui oublie, elle ne le fait pas exprès, pendant Ramadan, elle rompt son jeûne. Alors là, cette personne doit seulement rattraper son jour de jeûne. Elle n'a pas d'expiation en plus que cela. Ça, c'est l'avis de Al-Malikiyya. C'est l'avis de l'école malikite. Et Al-Jumhur, la grande majorité qui sont donc l'école donc Shafi'ite, Hanbalite et Hanafite, ils voient tous que la personne n'a rien, strictement rien, ni expiation, ni joie à rattraper. Pourquoi? Parce qu'il a été rapporté dans Sahihayn, d'après Abu Hurairah radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man akala aw nasi aw man akala aw shariba nasiyan fi Ramadan falyutimma sawma innama at'amahu Allah wa saqa. Celui qui mange ou qui boit par oubli durant la journée de Ramadan, alors qu'il termine son jeûne. Car certes, Allah tabaraka wa ta'ala l'a nourri et l'a abreuvé. Et donc, en se basant sur ce hadith, cette personne qui a rompu son jeûne par oubli en pleine journée de Ramadan, elle n'a pas de jour à rattraper. Elle n'a pas de jour à rattraper. Est-ce qu'une personne peut prendre tout un repas entièrement? Là, ce n'est pas un petit morceau. Non, là, elle a pris tout le repas. Et lorsqu'elle a fini le repas, ah, mince. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Un repas entier. Les savants, ils ont même abordé le sujet du rapport. Celui qui a un rapport et qu'il oublie qu'il est pendant Ramadan. C'est justement, ça c'est la réplique. Ça c'est la réplique, les savants qui disent: non, ici on ne fait pas, on ne va pas dire que le rapport est comme la nourriture. Pourquoi? Celui qui mange, il mange le repas, il peut être tout seul. Mais par contre là, les deux, ils ont oublié. Et donc certains savants disent non. Et d'autres disent, il se peut que la femme, le jeûne ne lui était pas obligatoire, elle était malade, etc., etc. Elle a oublié, ou alors l'inverse. Et donc, dans tous les cas, barakallahu fikoum, tout ça, ça revient à quoi? À l'intention de la personne. Pourquoi? Parce que tu peux tromper les gens et dire j'ai oublié, j'ai pas fait exprès, etc. Mais tu ne peux pas tromper Allah Azza wa Jalla. Et donc la personne, elle connaît le jugement. Si tu as oublié, alors tu es excusé. Mais par contre, si tu n'as pas oublié, là c'est autre chose. Et c'est ce qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, concernant la personne qui n'a pas oublié. Mais on revient d'abord sur notre divergence. Ici, Al-Malikiya, les savants de l'école malikite, quel est leur argument? Ils disent tout simplement que cette personne, donc, on est d'accord avec vous sur le fait que cette personne n'a pas fait de péché. Elle a oublié. Cet individu n'est pas pécheur. Mais par contre, on ne peut pas dire que son jeûne est correct. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, dans son livre, il nous dit « Puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit ». Cette personne, elle n'a pas complété son jeûne jusqu'à la nuit. Puisqu'à un moment, elle a rompu son jeûne. Elle a rompu son jeûne. Ils vont aussi avoir parmi leurs argumentations LPS. Avant d'aborder LPS, on va d'abord aborder ce verset. Et donc là, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous appelle, qui nous ordonne à compléter notre jeûne jusqu'à la nuit. La personne qui a oublié, est-ce qu'elle n'a pas complété son jeûne? Eh bien ici, on a le hadith tout simplement, barakallahu fikoum. Le hadith. Le prophète qui nous dit que cette personne qui a oublié, c'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. C'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. Qu'elle termine son jeûne. Qu'elle termine son jeûne. Et dans certaines narrations, il est même cité, donc, « Fala qada'a alayhi wa la kafara ». Il n'a pas de jour à rattraper, pas d'expiation. Et donc là, cette personne n'a pas de jour à rattraper. Tayyib, il y a encore une autre argumentation chez El-Malikiya qui est El-Qiyas, la comparaison, l'analogie. Tu te rappelles ou pas? Alors, l'analogie. On avait vu l'analogie, le fait de comparer deux sujets pour arriver à un même jugement. Donc, on compare deux sujets, un sur lequel il y a une preuve connue, et un autre qui est lié à ce premier sujet, mais il n'y a pas forcément de preuves connues, et on a besoin de faire ce lien pour arriver au même jugement. Et donc, ils ont fait le lien avec Al-Tahara, la purification. Ils disent, une personne qui a fait ses ablutions et qui ensuite, elle n'a pas fait exprès, elle a perdu ses ablutions, elle a oublié qu'elle a perdu ses ablutions, elle va prier. Elle a fait sa salate comme cela. Après la salate, elle se rappelle qu'elle avait perdu ses ablutions. On va lui dire, il faut que tu refasses tes ablutions et ta salate. Tu n'as pas fait de péché, mais tes ablutions, elles ont été annulées. Et donc ici, il y a une condition qui n'a pas été appliquée. Ils vont nous dire, pour le jeûne, c'est pareil. On va dire à cette personne, tu n'as pas fait de péché, tu n'as pas fait exprès, etc., etc. Mais ce que tu as fait là, ce n'est pas un jeûne. Le jeûne, tu dois t'abstenir toute la journée. Là, tu ne t'es pas abstenu toute la journée. Oui, tu as oublié, c'est vrai, mais tu ne t'es pas abstenu toute la journée. Et donc, ce n'est pas un jeûne. Tu dois rattraper ce jour de jeûne. Et ici, la réponse, tout simplement, barakallahu fikoum, on avait vu parmi les conditions de l'analogie, le fait que l'analogie ne doit pas contredire un texte. Quand on fait une analogie, l'analogie ne doit pas contredire un texte. Et ici, cette analogie, elle contredit directement la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit « Celui qui mange ou qui boit durant la journée de Ramadan en ayant oublié, alors qu'il termine son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et qui l'a abreuvé. » Donc la vie la plus juste dans ce sujet, c'est la vie de la majorité des savants, donc qui est tout simplement que la personne qui est dans cette situation n'a pas à rattraper son jeûne. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, « وَكَذَلِكَ مَنْ أَفْتَرَ فِيهِ لِدَرُورَةٍ مِنْ مَرَضٍ » Et aussi, la personne donc, qui a rompu son jeûne durant Ramadan à cause donc, d'une maladie, à cause donc, d'un cas, à cause d'une nécessité, telle qu'une maladie, et donc cette personne doit aussi rattraper son jour de jeûne. Et ça, c'est un sujet d'unanimité. C'est un sujet d'unanimité. Allah Azza wa Jalla qui dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, qu'il rattrape ses jours manqués. Donc ça, c'est un sujet d'unanimité. Il continue l'auteur et il dit وَمَنْ سَافَرَ سَفَرًا تُكْسَرُ فِيهِ الصَّلَاةِ فَلَهُ أَنْ يُفْتِرَ وَإِنْ لَمْ تَنَلْهُ ضَرُورَةٌ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْيَا وَالصَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيْنَا. Et donc il dit, celui qui fait un voyage durant lequel il lui est permis de raccourcir ses prières. Et donc là, c'est un vrai voyage. Un voyage durant lequel il lui est permis de raccourcir ses prières. Alors celui-ci, il lui est permis de rompre son jeûne, même s'il n'est pas dans un cas de nécessité, et il devra par la suite rattraper ce jour de jeûne, mais le jeûne est préférable. Le jeûne nous est préférable. Donc le fait que la personne qui soit en voyage, elle jeûne, c'est ça qui est préférable. Taïeb. Ici, on va arriver à un souci. C'est le voyage. Quelle est la limite du voyage? À partir de quand tu dis que tu es voyageur? Si tu vas à Saint-Cloud, tu es voyageur? Ou alors si on te dit, ah, c'est pour ça que vous ne montez pas dans le Nord. C'est pour ça, parce que c'est un voyage. Hein? Vous vous dites, ah non, aller dans le Nord, c'est un voyage. Si vous allez là-bas, si vous arrivez dans le Nord, il va falloir prier le Qasr. Et donc, rakatin pour Dhuhr, rakatin pour l'Asr. Vous êtes en voyage. Et donc, quelle est la distance qui fait qu'on est en voyage? Il y a deux grands avis chez les savants. Deux grands avis chez les savants. Ici, l'auteur, il nous dit, après cela, « وَمَنْ سَفَرَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُودٍ » celui qui fait un voyage qui est en dessous de 4 bérides. 4 bérides, ça équivaut aujourd'hui au kilomètre à 80 km. 4 bérides, ça équivaut aujourd'hui à 80 km. Et donc, il nous dit celui qui est en dessous de cette distance. Et donc, lui, il a jugé que le voyage, ça commence à partir de 80 km. Donc, on a deux grands avis chez les savants. On a certains savants, l'école, donc Malikite, Shafi'ite et Hanbalite, ils voient qu'il y a une limite précise. Abu Hanifa aussi, il voit qu'il y a une limite précise, mais Abu Hanifa, lui, il voit une autre limite. Et donc, les trois premiers que j'ai cités, il voit qu'il y a une limite précise, et quelle est cette limite? C'est celle qu'il a citée ici, l'auteur, qui est équivalente à 80 km. Il se base sur quoi? Il se base sur les paroles de les fatawas des Sahaba, les fatawas de Ibn Abbas et Ibn Omar. Ibn Abbas et Ibn Omar, ils ont des fatwas dans lesquelles ils délimitent le voyage sur cette distance. Et qu'à partir de cette distance, eux-mêmes, ils rompaient leur jeûne. Et donc ça c'est connu d'Ibn Abbas et Ibn Omar. Il y a des chaînes authentiques qui ont été rapportées dans certains livres tels que Moussadnef ibn Abi Shiba, Moussadnef Abdelrazak et d'autres. Tayyib. Il y a aussi un hadith qui est utilisé. Un hadith qu'on va trouver dans Sahih Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة دون ذي محرم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit il n'est pas permis à la femme qui croit en Allah et au jour dernier de voyager une distance d'un jour et d'une nuit sans voyage, sans mahram. Il n'est pas permis à la femme qui croit en Allah et au jour dernier de faire ce voyage-là sans mahram. Ici, il est cité un jour et une nuit, c'est-à-dire le déplacement qu'on peut faire en un jour et une nuit sur les montures lentes. Parce que les gens, ils avançaient avant, au chameau, etc. Ils ont dit, en mesurant cette distance, on arrive à peu près à 80 km. À peu près. Sauf que le problème qu'il y a avec ce hadith, barakallahu fikoum, c'est que rien que dans le recueil de musulmans, il y a plusieurs narrations. Wa alaykoum salam, trawakat. Il y a plusieurs narrations, rien que dans le recueil de musulmans. Dans certaines narrations, c'est un jour et une nuit. Dans certaines narrations, fawqa thalath. Au-dessus de 3. Dans certaines narrations, 2 jours. Et donc ici, on a des périodes différentes, donc forcément des distances différentes. Et donc on ne peut pas utiliser ce hadith comme preuve pour déterminer la distance du voyage. On ne peut pas. Tayyib. Mais quand même, parmi les leçons de ce hadith, barakallahu fikoum, mais ça c'est important. C'est le fait que nous devons faire attention à nos femmes, nos filles, le fait qu'elles aient un mahram durant les voyages. Et ça, c'est pour leur protection, pour les protéger. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc ça, c'est important. Ensuite, donc par rapport à ce hadith, comme j'ai dit, on ne peut pas, il n'y a pas de preuve concrète dans ce hadith. Même, je dirais, sur ce sujet, il n'y a pas de hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre une distance concrète qui nous permet de délimiter le voyage. Par contre, ce qu'on a, ce sont les paroles des compagnons. Et c'est là qu'on va arriver au deuxième avis. Le deuxième avis, l'avis qu'a choisi Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui est qu'il n'y a pas de limite précise pour déterminer le voyage. Il n'y a pas de limite précise pour déterminer le voyage. Pourquoi? Parce que les textes de la législation ne nous ont pas donné de limite. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit, celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, et il n'a pas précisé c'est quoi le voyage, à partir de là, on revient aux coutumes, al-urf. On revient aux coutumes, ce qui est connu chez les gens. Ce que les gens ont déterminé comme étant un voyage, eh bien c'est un voyage. C'est les gens qui voient, eux, ce qu'est un voyage. Et ça, c'est une règle importante. À partir du moment où dans la législation, il n'y a pas un texte qui nous montre une limite précise, on revient à al-urf, les coutumes des gens. Exemple, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Wa'ashiruhunna bil ma'ruf » et comportez-vous avec elle de bonne manière, de manière convenable. C'est quoi bil ma'ruf? C'est quoi de manière convenable? On doit se comporter avec nos femmes de manière convenable. Mais c'est quoi de manière convenable? Ils nous disent, les savants, ça n'a pas été précisé. Et donc, on revient à al-urf, aux coutumes. Pendant une période, la coutume, c'était que la femme, lorsqu'elle se mariait, son mari devait lui accorder une femme de ménage. Et donc, c'était ça la coutume. Celui qui ne faisait pas ça, on lui disait, tu as eu des manquements ici. Et donc, ici, dans le comportement avec nos femmes, on regarde aussi donc la coutume. Pourquoi? Parce que la législation n'a pas déterminé de limite par rapport à cela. Sauf si la coutume s'oppose à la législation. Alors là, non. Sauf si la coutume s'oppose à la législation. Donc on revient sur le sujet du jeûne. Alors ici, la vie le plus juste, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, la vie de El-Jumhur, Malik, Ahmed, ainsi que El-Shafi, c'est que le voyage, il commence à partir de 80 km. Pourquoi? Parce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ses élèves, ce sont eux qui ont étudié chez lui, et ce sont les seuls textes qui nous ont été rapportés à ce sujet de manière authentique. De manière authentique. Et c'est pour ça qu'il y a un sujet qui est très important, barakallahu fikoum, c'est lorsque dans un sujet, on n'a pas de texte, mais qu'on a des paroles des compagnons. Il est impératif qu'on prenne les paroles des compagnons. Pourquoi? Parce que ce sont, comme on a dit précédemment, ce sont eux qui ont étudié chez le prophète, et c'est par leur cause qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préservé sa religion, nous a transmis sa religion. Et certains savants disent même, et pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala n'aurait pas préservé l'autre avis, si c'était un autre avis qui était la vérité? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un autre compagnon qui nous cite un autre avis que celui-ci, avec une chaîne de transmission authentique? Et donc voilà pourquoi la vie le plus juste ici, Inch'Allah ta'ala, c'est que le voyage commence à partir de 80 km. À partir de 80 km, tu peux donc rompre ton jeûne, si tu veux rompre durant le voyage. Quand je dis à partir de 80 km, ce n'est pas à partir de 80 km établi durant le voyage. C'est-à-dire un voyage de plus de 80 km. Exemple, tu fais un voyage de plus de 80 km. Paris-Marseille. Il y a plus de 80 km, on est d'accord. Tayyib, tu commences ton voyage, tu as fait 30 km. Est-ce que tu peux rompre ton jeûne? Oui, tu peux rompre ton jeûne. Tu n'as pas encore fait les 80 km, mais en fait, ton voyage, c'est un voyage de plus de 80 km. Voilà ce qui est voulu par la rupture du jeûne. On n'attend pas les 80 km pour rompre le jeûne. D'accord? C'est tant que tu es dans ce voyage, un voyage de plus de 80 km, là tu peux rompre ton jeûne. Alors, 80 km, aller-retour. Aller. Juste. À 80 km, pour retour. C'est juste aller. Juste aller, 80 km, aller. Donc nous en Martinique, il n'y a pas. Nous, dans les deux avis, nous en Martinique, dans les deux avis, on n'est pas en voyage. Puisque même l'avis qui te dit qu'il n'y a pas de kilomètre, on ne peut pas le faire. Puisque ici, Les gens en Martinique, ils ne vont pas te dire « Je vais en voyage. » »« Ah bon, tu vas où ?»« À Saint-Plus. » Non, ils ne disent pas ça. S'ils te disent « Je vais en voyage », c'est qu'ils quittent l'île. D'accord ? Donc cet avis-là, tu ne peux pas l'appliquer. Le deuxième avis sur le kilométrage, non, non plus. On n'est pas en voyage. Oui, peu importe. Là, par contre, après, tu vas le dépasser par avion, etc. Là, c'est bon. C'est-à-dire que si tu veux être en voyage ici, bateau ou avion, voiture, tu ne vas pas le faire. N'essaie pas de le faire. Tayyib, donc on continue. Et donc l'auteur, il dit, rahimahullah, « وَمَنْ سَافَرَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَظَنَّ أَنَّ الْفِطْرَ مُبَاحٌ لَهُ فَأَفْطَرْ فَلَا كَفَّرَةَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْقَضَى » Et donc celui qui a accompli un voyage qui est moins long que 4 berides, donc à peu près 80 km, son voyage est donc en dessous de la limite. Et cette personne, elle pense que la rupture du jeûne lui est permise. Elle a donc rompu son jeûne. Elle s'est trompée. Alors cette personne n'a pas d'expiation, mais elle doit juste rattraper son jour de jeûne. Vous voyez, mais donc ça c'est quelque chose qui peut arriver. La personne, elle se trompe. Exemple, une personne qui a l'habitude de voyager en Europe. Elle a l'habitude de voyager en Europe, elle fait des heures et des heures de route. Elle arrive ici en Martinique, elle fait le voyage Marigot-Saint-Plus. En 2 heures. Elle se dit 2 heures, c'est obligé que j'ai plus de 80 km. Quand je fais en France 2 heures, c'est je suis au-dessus des 100 km. Mais elle n'a pas réalisé qu'ici, avec les virages, les petites routes, etc., elle n'a dépassé 90 km/h que rarement. Et donc au final, elle était en dessous de 80 km pour un voyage de 2 heures ou 1 heure et demie. Elle s'est trompée. Et donc cette personne, elle a juste à rattraper son jour de jeûne, elle n'a pas d'expiation. Et l'auteur, il nous dit « Wa kullu man aftara muta'awwilan fala kaffarata alayhi » Toute personne qui rompt son jeûne par incompréhension, par erreur, alors la personne n'a pas d'expiation. Elle n'a pas d'expiation, elle s'est trompée. وَإِنَّمَا الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا Cependant, l'expiation est pour celui qui a rompu son jeûne de manière intentionnelle. De manière intentionnelle. بِأَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ أَوْ جِمَاعٍ مَعَ الْقَضَى Donc la personne qui a rompu son jeûne de manière intentionnelle, en mangeant, en buvant, en ayant un rapport, et en plus de ça, elle doit rattraper. Donc la personne doit rattraper son jeûne, et en plus de ça, elle a une expiation. Tayyib, par rapport à cette divergence, ici on a une divergence, dit ulama barakallahu fikum, concernant la rupture du jeûne, qui va nécessiter une expiation en plus du rattrapage. La majorité des savants, Al-Jumhur, Abu Hanifa, Al-Shafi'i et Ahmed, ils voient que la personne qui rompt son jeûne en mangeant et en buvant seulement n'a pas d'expiation en plus du rattrapage. Elle doit juste rattraper son jour de jeûne. La personne qui a mangé de manière intentionnelle pendant Ramadan, elle a bu de manière intentionnelle pendant Ramadan. Intentionnel. Ce qu'elle a à faire, c'est un repentir. Tu te repens à Allah tabaraka wa ta'ala et tu rattrapes ce jour que tu as raté. Est-ce que tu as une expiation en plus que ça? Ils te disent non. Pourquoi? Il n'y a pas de dalil. Ils te disent, il n'y a pas de preuve qui montre qu'on a une expiation en plus que cela. Il n'y a pas. L'imam Malik, rahimahullah, Al-Malikiya, eux, ils voient que tu as une expiation. Et c'est la même expiation qui a été citée dans le Jima', le rapport. C'est pour ça qu'ici, l'auteur, il nous dit, celui qui rompt son jeûne en mangeant, en buvant et en ayant un rapport. Il a mis les trois ensemble. Il a mis les trois ensemble. Tandis que la majorité des savants, ils ne mettent pas les trois ensemble. Ils mettent le rapport à part. Al-Malikiya, ils te disent, oui, il y a une expiation. Quelle est la preuve qu'il y a une expiation dans Sahihay? Ou alors la narration ici sur laquelle se base Al-Malikiya, c'est la narration qui est dans Sahih Muslim. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam amara rajulan aftara fi Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à un homme qui a rompu son jeûne pendant Ramadan, qui a rompu son jeûne durant Ramadan, de nourrir des pauvres ou de jeûner deux jours, de deux mois d'affilée, ou alors de libérer des esclaves. Ou alors de libérer des esclaves. C'est cette narration sur laquelle se base Al-Malikiya. Et donc ici, cette narration, elle a cité juste le fait de rompre son jeûne. Elle n'a pas cité de précision. Sauf que, il est important, barakallahu fikoum, de bien comprendre que l'imam Muslim, rahimahullah, il a cité cette narration-là au milieu d'autres narrations. Et c'est pour ça que Al-Nawawi le montre bien dans l'explication de Sahih Muslim. Ce qui est voulu ici, c'est que cette narration, c'est une narration résumée d'une autre narration qui est grande et qui est bien plus détaillée. Dans l'autre narration qui est détaillée, qu'on trouve dans Muslim et dans le Bukhari, il est cité un homme, là c'est Abu Huraira, il raconte les faits, il raconte ce qui s'est passé. Ce n'est pas le prophète a fait ça, ça, ça. Non, là, Abu Huraira raconte ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Ya Rasulallah, helakt, ô messager d'Allah, je suis tombé dans la perdition, je suis tombé dans, à ma perte. » Il a dit « Mais ahlakek, qu'est-ce qui t'a fait tomber dans la perdition ?»« Waqa'tu ala mra'ati fi Ramadan. » J'ai commis un rapport avec ma femme pendant Ramadan. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Et tajidu, mais tu'atiku raqabatan ?» Est-ce que tu as la capacité de libérer un esclave? Qu'on est là? Il a dit non. Hel tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ayn? Alors, est-ce que tu as la capacité de jeûner deux mois de suite? Il a dit non. Dans certaines narrations, il a dit, mais c'est à cause de ça que je suis tombé au messager d'Allah. C'est à cause de ça, un mois, je n'ai pas tenu. Deux mois? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, فَهَلْ تَجِدُوا أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينَ. Est-ce que tu as la capacité, alors est-ce que tu as la capacité de nourrir 60 pauvres? Il a dit là, non. فَأُوْتِيَ بِعَرَقٍ فِي تَمْ. Alors là, on est venu avec un récipient dans lequel il y avait des dattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit خُدْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ تَصَدَّقْ بِهِ. Alors prends-le, prends ça et donne-le en aumône. Il a dit Ala afkar minna ya Rasulallah. Plus pauvre que nous, est-ce qu'il y a plus pauvre que nous au messager d'Allah? Il n'y a pas ici une famille qui en a plus besoin que la nôtre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rigolé et lui a dit prends et donne-en à ta famille. Et donc ici, ça c'est la narration complète. Dans cette narration complète, on voit bien ici, barakallahu fikoum, que ce qui a fait que cet homme a rompu son jeûne, c'était un rapport. C'était pas il a mangé ou il a bu, non, c'était un rapport. Voilà pourquoi El-Jumhur, ils nous disent, on a une preuve pour l'expiation que pour le rapport. On n'a pas pour celui qui mange et qui boit. Donc, celui qui mange et qui boit, il doit se repentir à Allah et rattraper. Mais par contre, lui dire qu'il a une expiation, il n'y a pas de preuve. Parce que la preuve, elle a été rapportée concernant celui qui a eu un rapport. Et ça, c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah Ta'ala. Avant de finir, on a le dernier sujet, la dernière divergence qu'on voit ce soir. C'est quelle est l'expiation? Parce qu'ici, l'auteur, il nous dit qu'il y a une expiation. On a vu que l'expiation, ça concerne que celui qui a eu un rapport pendant la journée de Ramadan. Celui qui a mangé et qui a bu, lui, il n'y a pas d'expiation, il doit juste rattraper. Mais quelle est l'expiation que celui qui a un rapport doit faire? Il nous dit وَالْكَفَّارَةُ فِذَلِكَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Et l'expiation en cela, c'est le fait de nourrir 60 pauvres, et chaque pauvre doit avoir un moud donc les deux mains tendues, avec la même quantité que le mout du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il continue, wa dhalika ahabbu ilayna, et c'est ce que nous préférons. C'est-à-dire que chez Al-Malikiya, chez les savants d'école malikite, le fait de nourrir le fait de nourrir des pauvres, c'est l'expiation qui est préférée. D'accord ? C'est une expiation qui est mise avant les autres expiations. Ensuite, il nous dit, l'auteur, wa lahu an yukaffira bi'ilqi raqabatin aw siyami shahrayn mutatabi'ayn. Mais la personne, si elle le veut, si elle le désire, elle peut très bien, comme expiation, libérer un esclave ou jeûner 2 mois d'affilée. Et donc, dans l'école malikite, concernant le sujet de l'expiation, la personne a le choix. Soit elle fait ça, soit elle fait ça, soit elle fait ça. Mais Al-Malikiya, il préfère que la personne nourrisse un pauvre. Nourrisse 60 pauvres. Est-ce que c'est le même cas pour les autres écoles? Non. Sur ce même sujet, les autres écoles ne sont pas d'accord avec Al-Malikiya. Le même sujet. Abu Hanifa, Ahmed, Al-Shafiri, ils ne sont pas d'accord. Les autres écoles voient qu'il y a un tartib. Wa alaykoum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a un ordre précis à respecter dans les expiations. Tu n'as pas le choix. Premièrement, est-ce que tu as la capacité de libérer un esclave? Oui, alors tu le fais. Si tu n'as pas la capacité, deuxième étape, jeûner 2 mois d'affilée. Oui, alors tu le fais. Si tu n'as pas la capacité, troisième étape. Là, donc, c'est nourrir des pauvres. Et donc, il y a un ordre précis. Il y a un ordre précis. Et cet ordre, on le voit clairement dans le hadith qu'on a vu tout à l'heure. Le hadith où Abu Huraira nous cite l'histoire complète, on voit clairement que le prophète lui a demandé « Est-ce que tu peux faire ça ?» Non. Alors, est-ce que tu peux faire ça ? Non. Alors, est-ce que tu peux faire ça ? Et donc ici, il y a un ordre précis. D'accord ? Et aussi, cet avis, c'est l'avis le plus juste et c'est l'avis le plus sûr. C'est l'avis le plus sûr. Pourquoi c'est l'avis le plus sûr ? Parce que si aujourd'hui, une personne tombe dans ce sujet, elle a un rapport avec son épouse pendant Ramadan. Wa alaykoum salam wa barakatou. Et ensuite, elle veut faire une expiation. Alors elle se dit, bon, j'ai le choix, je vais nourrir 60 pauvres. Elle nourrit 60 pauvres. Ici, selon l'école malikite, ton expiation elle est acceptée. Selon les autres écoles, toutes les autres écoles, non, c'est pas accepté. Par contre, maintenant, tu fais l'inverse. Tu fais l'inverse. La personne, elle est tombée dans cela. Elle veut se repentir. Elle veut une expiation. Alors là, elle respecte l'ordre. Est-ce que je peux libérer un esclave? Non. Est-ce que je peux jeûner 2 mois d'affilée? Oui, allez, je le fais. Elle jeûne 2 mois d'affilée. Selon l'unanimité, tous, même Al-Malikiya, ton expiation, elle est acceptée. Elle est acceptée, ton expiation. Et donc, cet avis, il est clair que c'est le plus sûr. Tu sors de la divergence. Et c'est aussi l'avis qui est basé sur les preuves concrètes. Comme on peut le voir dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, avec l'histoire qui est citée complètement. Donc, voilà par rapport à cette divergence. Et on va continuer donc ce sujet, le sujet du jeûne, bi'idnillahi ta'ala, dimanche. Inch'Allah ta'ala, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khayran.